avant eux, avant les cupelés, la fleur, l'oiseau et nous étions en liberté. Mais ils sont arrivés et la fleur est en pot et l'oiseau est en cage et nous en numéro. Car ils ont inventé prison et condamné et casier judiciaire et trou dans la serrure et les langues coupées des premières censures. Et c'est depuis lors qu'ils sont civilisés. Les singes, les singes, les singes de mon quartier. Les singes, les singes, les singes de mon quartier. Avant eux, il n'y avait pas de problème quand poussaient les bananes, même pendant le carême. Mais ils sont arrivés bardés d'intolérance pour chasser en apôtre d'autres intolérances. Car ils ont inventé la chasse aux albigeois, la chasse aux infidèles et la chasse à ceux-là, la chasse aux singes sages qui n'aiment pas chasser. Et c'est depuis lors qu'ils sont civilisés. Les singes, les singes, les singes de mon quartier. Les singes, les singes, les singes de mon quartier. Avant eux, l'homme était un prince, la femme une princesse, l'amour une province. Mais ils sont arrivés, le prince est un mendiant, la province se meurt, la princesse se vend. Car ils ont inventé l'amour qui est un péché, l'amour qui est une affaire, le marché aux pucelles, le droit de courte cuisse et les mères maquerelles. Et c'est depuis lors qu'ils sont syphilisés. Les singes, les singes, les singes de mon quartier. Les singes, les singes, les singes de mon quartier. Avant eux, il y avait paix sur terre, quand pour 10 éléphants, il n'y avait qu'un militaire. Mais ils sont arrivés, et c'est à coups de bâton que la raison d'État a chassé la raison. Car ils ont inventé le fer empalé, et la chambre à gaz, et la chaise électrique, et la bombe au napalm, et la bombe atomique. Et c'est depuis lors qu'ils sont civilisés. Les singes, les singes, les singes de mon quartier. Les singes de mon quartier.